بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 49 لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهلي وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب بفضل الله aujourd'hui on va commencer dans un nouveau chapitre qui est باب الاغتسال وحكم الجنوب. Et après ça il restera deux chapitres qui sont tayammum et الحيد. Et après, Inch'Allah, on aura fini Kitab al-Tahara, bifadlillah. فقال المؤلف رحمه الله تعالى. Yani, l'artisel, si vous voulez parler artisel, c'est le roussel. On a pris le wudu, maintenant on va prendre les règles, c'est en rapportant au roussel. El-Junoub, c'est celui qui est en état de janaba. Ce qu'ils appellent en état de d'impureté majeure. Et cela, on tombe dans quel cas ? Dans celui qui a eu des rapports sexuels. Comme cela va venir. À partir du moment où il y a eu pénétration, même s'il n'y a pas eu éjaculation, cela rend obligatoire le roussel. Cela est valable pour la femme qui a eu ses haïd. Qui sort du nifas, c'est-à-dire celle qui a eu, qu'ils appellent celle louchi, le sang après l'accouchement. Et également pour al-jumu'a. Quand même, pour al-jumu'a. Et là, on parle du rous, celui qui est ibad. Et non pas le ros, celui qui est adi, le fait de se nettoyer. L'un n'empêche que tu peux lier l'un à l'autre. Quand tu te laves, tu fais ton rous en même temps. Mais là, ce qui est voulu, c'est le rous, celui qui est tahour, de purifier en vue d'une adoration particulière. Donc il dit An Abi Sa'idin al-Khudari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ma'u min al-ma'i rawahu muslimun wa asluhu fi al-Bukhari. Donc il dit selon Abu Sa'id al-Khudari. C'est quoi son prénom, Abu Sa'id? Souvent on pose la question. Sa'd. Pardon, c'est Sa'd. Ouais, le Khudari, c'est. Ça vient de Khudara qui est, comme on l'avait dit, un quartier. Al-Medina chez Ansar. Donc Abu Sa'id, c'est Ansari. C'est pas un Muhajir. Il dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'eau amène à l'eau. On dira comme ça. Apporté par un musulman. Et son origine dans le Bukhari. Dans le sens voulu par l'eau amène à l'eau. La première eau, c'est l'eau normale. Et la deuxième eau, le sens voulu par là, c'est le sperme. C'est-à-dire, à partir du moment où le sperme est sorti, ça amène à ce que tu fasses un rousse. Cette eau-là, qui est le sperme, t'amène à l'autre eau, c'est du rousse. Taïeb. Donc il commence à l'abord en disant. Sifat el-Mani. Quelles sont les caractéristiques du sperme? Pour que la personne soit à la basira. Et cite le parole de Nawawi en parlant d'abord du sperme de l'homme. Kalmani yamani al-Rajul, wamani al-Mar'a. Donc il dit le sperme de l'homme en bonne santé, à la base il est blanc. D'accord? Épais. Et qui sort, il y a ce qu'on appelle l'éjaculation, c'est-à-dire il sort avec une certaine puissance. C'est pas ça coule, par exemple comme le mazi. Le mazi ça coule, comme de l'eau par exemple. Mais le sperme, lui, quand il sort, il y a une réaction. Il sort ce qu'on appelle l'éjaculation, c'est-à-dire il y a une certaine puissance dans sa sortie. Et il sort en apportant du plaisir. Dans sa sortie, ce qu'on appelle la jouissance. L'homme ressent de la jouissance. Hein, ils ressentent la jouissance et du plaisir. Et il s'ensuit ce qu'on appelle du foutour, c'est-à-dire un relâchement, une mollesse. Une fois que le sperme est sorti, l'homme ressent comme une forme de fatigue, quelque sorte. Et il dit que son odeur, qariba minel nara'ihati al-ajin, c'est un peu comme l'odeur de la pâte. La pâte. Wa idha yabisa kanat ra'ihatuhu ka ra'ihat al-bayd. Et lorsqu'il sèche, son odeur est comme celle de l'œuf. Ça, c'est des approximatifs, hein, c'est pas des choses. Voilà, quoi. Donc, quelles sont ses caractéristiques? Et même si tu en trouves certaines, tu n'es pas obligé de les trouver toutes. Dispo que le sperme, par exemple, il ne sort pas en puissance, ma phalène. C'est pas vrai chez des gens, il ne sort pas. Chez des gens, tu peux trouver qu'il est moins liquide, au plus liquide, ma phalène. Par exemple, tu vas trouver vraiment, il est épais et blanc, d'autres, tu peux le trouver d'une autre façon. Voilà, ça, c'est homo-humain. En tout cas, en français, le sperme, on sait c'est quoi, tu vois, on connaît. Après, il dit, par rapport à celui de la femme, mani le mar'a, je sais pas si en français on dit sperme de la femme, en tout cas en arabe, mani, le cloque à la lisnei, à la lisnei. Donc il est plus liquide, il est moins épais, il est jaunâtre. Et certains, il rapporte une parole de l'Razali, mais l'Razali a eu des égarements dans sa vie, mais il a été dit qu'à la fin de sa vie, il a fait tawba, il serait mort avec Sahih al-Bukhari sur la poitrine, qui serait venu de la falsafa, la philosophie, tout ça. Voilà. Donc il dit qu'on ne lui connaît pas de caractéristiques, si ce n'est qu'il sort. Lorsqu'il sort, la femme reçoit de la jouissance, également le relâchement, une forme de fatigue. On ne le connaît que comme ça. Lorsqu'il sort chez la femme, il sort lors de sa jouissance et il s'ensuit une relâche. Ou de la relâche. Comme l'homme un peu. Il dit que le sifat du mani de la femme, il est comme ça. On peut pas vraiment le décrire. Taïb. Donc il dit le masa'il ou l'arkamu al-mustafalatum del hadith. Il dit mas'ala. Khuruj al-mani yujib al Rousla, la sortie du sperme rend obligatoire le rousl. Istanbara ibn Qudama dans le Mughni. Il dit que lorsque le sperme sort lors de la jouissance, cela implique le rousl, obligatoirement pour l'homme comme pour la femme. Que cela ait lieu dans son sommeil ou qu'il soit réveillé. Et que c'est la parole de l'ensemble. Il a dit Ammat al-Fuqaha. Ammat al-Fuqaha, des gens du fiqh, et Tirmidhi, il dit nous ne connaissons pas de khilaf là-dessus. Pas de divergence. Nous n'avons connaissance d'aucune divergence là-dessus. Après, il dit Mas'ala. Donc, ça, c'est la sortie du sperme. Tamam. Avec plaisir. Après, il dit Khuruj al-Mazi li-Marad. Donc là, c'est la sortie du sperme pour cause de maladie ou cause du climat froid. Des savants, parmi eux Ahmed, Malik et Abu Hanifa, ils disent que si le sperme sort dans ces conditions-là, il n'y a pas de rousl. Il n'y a pas de rousl. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce moment-là, le sperme il sort, mais il ne sort pas en éjaculation, apparemment. Il coulerait. Et eux, leur preuve, c'est quoi? C'est le hadith de Ali, où il dit إِذَا فَضَحْتَ الْمَا فَاخْتَسِلْ. Et c'est un hadith qui est da'if. Ils disent, c'est-à-dire que si le sperme sort en éjaculation, donc là, tu te laves. C'est-à-dire qu'il y a une certaine force en ce qui sort. Chose qui n'a pas lieu dans la situation citée là, dans le cas de figure, qui est à cause de la maladie et à cause du froid. Et ça, c'est la parole de Cheikh Al-Islam Taymiyyah, de Cheikh Al-Faymin, de Cheikh Ben Baz et d'autres. Que celui dont le sperme sort pour une raison haute, ou du moins qui ne sort pas par éjaculation, et qui sort pour les raisons citées par maladie, c'est-à-dire comme ça, voilà, il n'a pas de rousse à faire. Et c'est une parole de savant dans le sens inverse, comme Shafi'i et Ahmed dans une version, qu'il est obligatoire de faire le rousl. Il est, si jamais la personne est certaine qu'il s'agit de sperme qui est sorti. Et non pour autre chose. Si la personne est sûre que ce qui est sorti c'est du sperme, alors le rousse est obligatoire. Et ça c'est l'avis choisi par Ibn Hazm. Et c'est l'avis choisi par le Shir, car il dit cela, ce qui est englobé dans la parole, elle-mai ou min elle-mai. Si l'eau sort, le sperme sort, cela implique le rousse. Donc ça c'est un hadith qui est général, quand même. Et le hadith de Ali, il est faible. Donc si jamais le sperme sort, cela implique le rousse. Taïeb. Après, il dit Mas'ala, إذا حس بانتقال المني فأمسك ذكره. Donc, si la personne sent que le sperme va sortir, d'accord, donc il tient son pénis pour pas que ça sorte, pour l'empêcher de sortir. Donc, il dit si jamais il tient son pénis, il le serre pour empêcher que le sperme ne sorte, et qu'il est certain que le sperme n'est pas sorti par la suite, plus tard, d'accord, il n'y a pas de rousse pour lui. Chez la plupart des savants, Jumhur et l'ulama. Et c'est une parole de Ahmed. Et une parole plus connue de lui dit qu'il doit faire le rousse. Car il dit Wala yutasawwar rujou al-mani. C'est-à-dire, on ne s'imagine pas que le sperme y repart. Si elle est sortie, c'est qu'elle est sortie. Il dit on n'arrive pas à concevoir que le sperme retourne de là où il vient. Et Shir, il voit que la parole vraie, c'est la première, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rousse. Pourquoi? Car il dit elle-même n'est-elle-même. Donc il dit que les savants, à la base, sont unanimes sur le fait que si jamais une personne ressent une chose, par exemple qu'il a envie d'uriner, ou qu'il a envie de péter par exemple, tout ce qui amène à annuler l'oseau, mais que ça ne se fait pas, il n'a pas d'oseau à faire. Donc il dit là, c'est pareil. Si le sperme n'est pas sorti, même s'il a senti qu'il est sorti, il n'est pas sorti, il n'a pas d'oseau à faire. Il faut que ça sorte. Maintenant, comme il dit, même Ahmed, où est-ce qu'il va, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il va, si jamais ça arrive. Mais en tout cas, le shir dit, à l'apparence du texte, si le jument il l'applique pour les autres choses, pourquoi ne pas l'appliquer ici aussi? Quelqu'un par exemple il sait qu'il veut uriner. Et après ça sort pas. Est-ce qu'il fait l'odo? C'est pas l'odo. Non. Quelqu'un par exemple il sait qu'il va péter. Ça sort pas. Est-ce qu'il fait l'odo? Il fait pas l'odo. Il dit c'est pareil, si le sperme tu sens qu'il va sortir. Et que même t'as causé toi qu'il ne sorte pas, et qu'il n'est pas sorti, t'as pas de rousse à faire. Après il dit, là, c'est ma salle qui est importante. إذا اغتسل بعد خروج المني وبعد اغتساله خرج منه مني آخر. C'est-à-dire s'il a vu son roussel après que le mani soit sorti et que après son roussel il y a encore du sperme qui sort. Il y a un retour par exemple où il y a du sperme qui coule encore. Donc là il sort le khilaf. Des savants disent comme Échafé et d'autres qu'il doit refaire le roussel. C'est par exemple sur le hadith al-ma ou min al-ma. D'autres ulama dont Malik voit qu'il n'a pas à faire le roussel, mais qu'il doit refaire l'oseau. Pourquoi? Pour la sortie. Une chose est sortie de son pénis, cela implique l'oseau. Et d'autres ulama, dont Abu Hanifa, et une version rapportée par Ahmed, que si jamais ce sperme est sorti après son roussel, et quand on sent qu'il n'est pas uriné, d'accord, et que le sperme est sorti, il dit qu'il n'y a pas de rousse sur lui. Car il s'agit là de quoi? Du reste des spermes qui sortaient auparavant, qui sort maintenant. Ce n'est pas un nouveau sperme. C'est le parti du sperme qu'il y avait auparavant, qui ne sort que maintenant. Donc lui n'a que l'oseau à faire. Non, donc lui en fait, il dit juste quoi? Qu'il n'a pas à refaire le rousse. Il n'a pas à refaire le rousse. Et après, il cita que en fait, la parole connue de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, c'est qu'il dit en fait qu'il doit refaire l'oseau. L'imam Ahmed voit qu'il doit refaire l'oseau. Qu'il est uriné ou pas. Il y a différentes paroles. Donc ça revient à quel avis ça? Au deuxième. Ça revient au deuxième. Celui de l'imam Malik et autres. Et Shir ibn Hizam dit ça c'est la parole authentique. Car il dit que la sortie du sperme après le lavage, après avoir fait le rousse, sans qu'il y ait de raison, qu'amener à cela, il dit que cela démontre que il ne s'agit que du reste du sperme qui était resté dans le pénis. Sûrement du fait que peut-être le pénis s'est décontracté, et après s'est décontracté après le rousse ou quoi, par exemple, l'éclamation est peut-être plus vaste, il est sorti. Il dit dans le sens comme ça. Allahu a'lam. Et ça, c'est le choix de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Al-Othaymin. Rahmatullah alayhima. Après, là, autre masala également, qui arrive fréquemment, إذا اغتسلت المرأة ثم خرج ماء الرجل منها. Un peu comme l'autre. Si la femme se lave, et une fois qu'elle finit de se laver, du sperme continue à couler d'elle. Après les rapports avec son mari. Quand même. Taïeb. Des ulama disent qu'elle refait son roussel. Car le sperme est sorti d'elle. Et il ressemble à son sperme à elle. Quand elle fait ashbaha ma'aha. Et d'autres ulama voient qu'il n'y a pas de roussel sur elle et qu'elle doit refaire l'eau. Ibn Hazm, lui, voit ni rousse ni wudu. Et la parole authentique, c'est la deuxième. Comme l'autre, comme l'homme. D'accord ? Qu'elle n'a pas à refaire son rousse, mais qu'elle refait l'eau pour le fait qu'elle soit sortie de son vagin. Amal Kalam de Ibn Hazm, je ne sais pas sur quoi elle est basée. Donc ils disent qu'il n'y a ni rousse ni wudu. Il n'a pas sorti c'est quoi son. C'est là, Ibn Hazm, c'est marouf qu'il est. Tachadid là-dessus, c'est-à-dire s'il dit un truc, c'est qu'il a, il a un dalil avec lui, tu vois, ou ce qu'il pense être un dalil. Là, c'est pas cité. Tayyib. Après, il dit Mas'ala, il veut atteindre le rajoulou, il me raata, fi, taraf, farjiha, wa lam yulid, chayan, min zakari, fa, dabba ma ouhu, il est farjiha, fa, hel, alaya le ghusl. Donc, il dit quoi là? Si jamais l'homme, par exemple, a des rapports avec sa femme, sans pénétration, d'accord? On va dire que le bout de son pénis, et sur, on va dire, l'entrée de l'orifice de la femme, mais qui n'a pas pénétré, et qui l'a éjaculé, par exemple. Est-ce que la femme doit faire un roussel? Vous voyez? Est-ce que la femme doit faire un roussel? Lui, c'est sûr. Donc là, il y a deux khilafs. Certains disent qu'elle doit refaire le roussel. Et d'autres disent qu'elle n'a pas de roussel à faire. D'accord? Sauf si elle-même a du sperme qui est sorti de elle. Et sinon, il n'y en a pas. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de pénétration. Ça, ça vient le hadith d'Abu Huraira. C'est le hadith qui va arriver, Inch'Allah. Et que là, l'obligation est juste sur l'homme. Par contre, si elle, avec tout ça, dans le plaisir qu'elle aurait pu ressentir ou quoi, dans l'action, son sperme elle est sorti, là, ouais, elle a du rousse à faire. Son rousse à faire. Quand même. C'est des masselles, des fois, qui peuvent paraître embarrassantes, mais en réalité, c'est des choses qui arrivent chez beaucoup de gens. Donc, Inna Allah la yastahim bil haqq. Que, certes, Allah n'est pas gêné de la vérité. Et Aïcha, elle a fait l'éloge des Ansariya. Qalat. Que leur pudeur ne les empêchait pas d'interroger sur les choses de leur religion. Voilà. Ma foi, ma hada. Fa ilahuna wa alhamdulillahi rabbil alamin.